Allô. Irène, est-ce que tu m'entends? Très bien. Très bien, voilà. Donc, bienvenue sur Radio Onda Rossa. Et donc, tu es allé hier à Istanbul et aujourd'hui tu es allé à la conférence de presse qu'a donnée Pinar pour réagir à la sentence de hier. Et puis, ce qu'on voulait savoir, c'est que tu nous la racontes un peu. Je me traduis. Donc, grazie di essere con noi su Radio Onda Rossa. Ieri sei stata in Istanbul, sei tornata ieri sera e oggi stavi a Strasburgo per la conferenza stampa. E dunque noi siamo contente se tu ci la racconti. Donc, vas-y, dis-nous s'il y avait du monde, comment ça s'est passé, ce qu'a dit Pinar, comment elle était. Mais d'abord, je dois vous embrasser toutes de la part de Pinar. Donc, Pinar, ci bacia tutte. Voilà. Oui. Et donc, Pinar, autant vous dire qu'elle n'était pas bien aujourd'hui. Je pense que ça se comprend parfaitement. Et voilà, donc elle a pris cette nouvelle comme elle disait qu'elle a eu l'impression que c'était comme si elle venait de perdre quelqu'un de très très proche. Un peu comme le décès de sa maman. Attends. Il faut que je traduise. E dunque Pinar, come potete pensare, non stava molto bene oggi. Ieri ha preso questa botta, diceva che per lei ieri è stato come se lei aveva perso qualcuno di caro. Vas-y, tu peux continuer. Voilà, donc il y avait entre 120-150 personnes. On n'a pas eu le temps de compter tout le monde. Il y avait beaucoup de médias de la région et puis allemands aussi. Alors, c'erano 100-150 persone con molto media francesi della regione e anche tedeschi. Vas-y. Il y avait pas mal d'élus. Il y avait un député de Strasbourg et trois conseillers, c'est pas mal. C'erano tre consiglieri, c'erano abbastanza eletti, c'era un deputato. Oui. Voilà, alors donc, de toute façon, Pinar est décidée à continuer. Elle ne se taira jamais. Comunque Pinar è decisa a continuare e a non tacere per mai. Voilà, perché elle sait parfaitement, elle est transcendée par la solidarité nationale et internationale et c'est là-dedans aussi qu'elle puise sa force. E dunque lei è come transcendata? Portata dalla solidarietà nazionale e internazionale e questa gli dà molto forza per continuare. Et questo che è questo che ha detto e ça c'est ce qu'elle a dit par exemple que en fait cette solidarité nationale internationale lui donne la force de continuer. Oui, ce que je te demandais c'est est-ce que c'est ce qu'elle a déclaré? Oui, tout à fait. Oui, OK. Non, c'est juste pour comprendre. Bien sûr. Oui, vas-y. Alors donc elle disait que quand même c'est la première fois en 14 ans qu'elle est condamnée. Parce qu'à chaque fois, elle a été donc innocentée totalement. Et là, c'est la première fois qu'elle est condamnée. Donc, elle se sent comme une criminelle. Et donc, Pinar diceva che è la prima volta, infatti, in 14 anni, che lei è stata condannata, perché ogni volta è stata assolta. E dunque, questa volta è veramente la prima volta che le succede e si sente come una criminale. Oui. Voilà, donc en ce qui concerne maintenant la suite, indépendamment de sa lutte et de ses combats, elle n'a pas encore réfléchi à la suite qu'elle va donner à cette condamnation. Il faut qu'elle parle avec son papa qui est sa sœur, qui sont ses avocats, et d'autres amis avocats aussi. Perché quanto riguarda il suo futuro non ha ancora ragionato e riflettuto a come continuare ha detto che comunque deve parlare con il suo padre, la sua sorelle che sono i suoi avvocati e anche altri avvocati per capire come continuare. Voilà. Donc si tu veux, tous ces avocats, parce que quand même il y avait pas loin de 90 avocats hier, donc avec plusieurs avocats, elle va pouvoir pourvoir, elle va se pourvoir en cassation. E dunque con tutti questi avvocati, perché per esempio ieri c'erano più di 80 avvocati, e dunque con alcuni, non tutti, comunque faranno un appello in Cassazione. Voilà. Donc parce qu'elle elle dit que elle croit vraiment à la lutte juridique, à la démocratie, même si souvent il n'y a pas le résultat qu'on attend, mais elle veut passer par là, elle veut aller jusqu'au bout. Perché dice che, perché dice che comunque lei crede alla giustizia, alla democrazia, e che anche se sa i limiti, comunque lei vuole prendere questa direzione e non lasciare. Oui? Perché diceva che in fait elle fera assolutamente tutto ce qui est en suo pouvoir per retourner chez elle, parce que c'est son, c'est ça qu'elle veut. Autant nous, en France, on est heureuse et fière de l'avoir, mais vraiment sa place est en Turquie. Et perché Pinard dice che comunque lei vuole fare tutto nelle sue possibilità per tornare in Turchia. Vero che noi comunque siamo contente e orgogliose di averla con noi in Francia, ma è vero che anche il suo posto sta in, in Turchia. Et dans la presse, on voit que elle, c'est écrit souvent qu'elle allait demander l'asile politique. Elle en a parlé ou? Nella stampa. Oui, mais elle veut, justement, elle n'a pas eu le temps, elle a été assommée hier par cette nouvelle, elle n'a pas eu le temps de digérer ça et de discuter, je dirais, sans. De discuter calmement de ça avec son papa, sa sœur et ses avocats. Là, pour le moment, elle ne sait pas encore ce qu'elle va décider. Bien sûr, elle l'a évoqué, mais elle ne sait pas pour le moment, vraiment. Dunque io gli ho chiesto, perché si legge nella stampa oggi che Pinard sta per, per chiedere l'asilo politico alla Francia, e Irene ci dice che infatti Pinard l'ha evocato, ma ha anche detto che fino adesso non ha ancora avuto la possibilità di pensarci con calma, perché comunque ieri è stata una botta e dunque deve prendere il tempo per capire se questa è una buona decisione o no. E tu crois que elle s'y attendait pas du tout hier? Je crois que très honnêtement non, nous non plus. Parce que si tu veux ça a été vraiment pour nous tous et toutes un coup de massue, mais encore aujourd'hui, je dirais que on y a assisté, je sais pas ce que vos amis ce que nos amis dans l'italienne ont ressenti, mais bon, c'était le coup de massue pour nous. Et donc, io gli ho chiesto se Pinard cioè, si aspettava di questa decisione ieri, e lei mi dice no, no, non ci aspettava, ma anche noi comunque non lo so che vi hanno detto le vostre compagne italiane di là, ma comunque per tutti è stato proprio un colpo di martello in faccia. Parce qu'en fait, cette condamnation, ça veut dire que, bon, pour ces personnes-là, pour ces juges et ce procureur, Pinard est une criminelle, Pinard est une terroriste. Or, celles et ceux qui la connaissent savent que, justement, elle lutte pour que nos droits avancent. Et ça, c'est vraiment... C'est terrible. Sì, perché comunque questa condanna, cioè vuole dire i giudici ci dicono con questa condanna che lei è una criminale, invece noi che la conosciamo bene sappiamo bene che infatti è proprio il contrario, visto che lei lotta per i diritti e per la pace. En tout cas, donc il y avait avec nous donc Philippe Bis, qui est un député chez nous en Alsace, qui est très impliqué aux côtés de Pinard, qui a dit que bon, effectivement, ça on le savait déjà avant, que pour ce qui est de l'asile politique, elle a l'appui de pas mal d'élus, mais que ce sera toujours Pinard qui va décider de la suite à donner. Per esempio c'era questo eletto che si chiama, come si chiama, comment il s'appelle déjà? Bis, Philippe Bis, oui. Oui. Questo eletto Philippe Bis, che c'est le maire de Strasbourg? Non, le député. Non, c'est un député. Deputato della regione che ha detto che comunque, per quanto riguarda l'asilo politico, ci avrà il supporto di molte comunque persone in Francia, ma che la decisione ovviamente ritorna a Pinard. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu Attends. Une Pinard qui était droite, tu vois, comme elle est toujours. Mordante malgré cette nouvelle incroyable, et voilà, elle continue, elle est prête à continuer, donc c'est formidable. Comunque ieri, oggi abbiamo visto una Pinard dritta in piedi, combattante, combattiva, come comunque la conosciamo bene, e ci dà anche forza. Attends, il y a une question d'une copine. Et pensez-vous d'organiser quelque chose en France? Vous, féministes et activistes en général. T'as compris? Nous, c'est... Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour. Bien sûr, nous sommes toujours prêtes à mettre en place quelque chose. Mais, si vous voulez, on passera toujours par l'avis de Pinard. Parce que tout se fait, tout passe par l'avis, par Pinard. C'est-à-dire que c'est Pinard qui décide si on fait ou non, bien sûr, mais je pense que nous, on est de façon nationale, on l'a vu à Istanbul, c'était formidable. Nous, en tant que féministes, bon voilà, c'était extraordinaire. Simplement, voilà, le dénouement était terrible, mais ça ne nous empêchera pas de continuer. E dunque Elena ha chiesto se pensavano di organizzare qualcosa in Francia, e la risposta è sì, comunque noi siamo sempre pronte a organizzare qualche sia cosa, ma ogni volta comunque è Pinard che decide, cioè è sempre lei che comunque, quando c'è qualcosa da fare, quando si fa qualcosa, è sempre lei che ci dà la direzione, ci dà l'ok per farlo. E per noi, per esempio, come femministe, di lavorare con Pinard è molto importante, è molto interessante. Et j'ai aussi lu que le président de l'université lui donnait la protection de l'université. Complètement. Oui. Et ça, c'est magnifique, parce que, bon, et on avait des amis universitaires, on avait une réunion avec eux il y a quelques jours, juste avant de partir à Istanbul, où on leur demandait si effectivement ils étaient partants pour créer un comité de soutien universitaire. Et voilà, dans la même réunion, ils ont créé ce comité. Et vraiment, ça a fait boule de neige, parce qu'elle a rallié tous les universitaires, et le président de l'université, elle a rendez-vous d'ailleurs cet après-midi donc avec lui. Voilà, c'est vraiment, tout ça, c'est bouleversant ce qui se passe autour d'elle. Parce que Pinard racontait qu'en fait... Attends, oui, vas-y. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Ou tu le perds pas. Le 24, donc, l'université avait décrété une heure de cessation de cours et réunion de tout le monde sur le parvis de l'université. Il y avait 200 personnes. Pendant une heure, tous les étudiants pour Pinard, ont arrêté les cours. Mmh. Et dans ce même, partout en France, il y a eu des étudiants de première et deuxième année qui ont pris Pinard en symbole, en disant, voilà, après Pinard, il n'y aura plus jamais d'histoire comme ça. Parce que nous, on fera en sorte que ça n'arrive plus. C'est Alors, superbe. Allora, io gli ho chiesto, perché ho letto che c'è il presidente dell'Università di Strasburgo che dava protezione a Pinard, che l'Università di Strasburgo dà protezione a Pinard, lui dice che comunque non gli basterà il permesso di soggiorno, che comunque già è una cosa, cioè, più. E Irene dice, sì, infatti comunque è completamente, cioè, veramente commovente tutta questa solidarietà che c'è intorno a Pinard, infatti questo pomeriggio ha lei ha un Pinar appuntamento con il presidente dell'università, che ieri, e questa ha fatto proprio cioè, macchia su tutte le università francesi. Ieri a Strasburgo hanno fermato i corsi per, e sono scesi fuori per un'ora, c'erano 200 studenti che hanno fatto un presidio, e in tutte le università c'è una coordinazione di studenti che hanno detto noi faremo di tutto per fare che il caso Pinar sia l'ultima, così non si può passare così, e c'è dunque una grande mobilitazione da universitari e studenti. Bon, est-ce que tu vois quelque chose d'autre à ajouter? Non, mais je crois que je dois vous remercier aussi, les amis, parce que je dirais que c'est aussi grâce à vous, grâce à vos mobilisations, à l'amour que vous avez pour Pinar, qui nous permet à nous aussi de continuer, et elle aussi de continuer, parce qu'elle puise sa force dans nos actions, parce qu'elle a besoin de ça aussi pour fonctionner. C'est une féministe, c'est une femme. Elle est belle comme tout, je veux dire belle dans ses combats, dans ses luttes pour nous toutes. Et je crois que bon, voilà, on continue la lutte, le combat, parce que ça c'est tous les jours, on a l'habitude. Et voilà, je tenais à vous remercier toutes. Eh bien, merci à toi. Tu peux rester, j'ai le temps que je fasse la traduction, oui, hein, si pas. Tu veux. Excuse-moi. Non, je dis, je traduis ce que tu viens di dire. E anche io le voglio ringraziarvi, perché comunque cioè, ci dà forza di essere tutte insieme. Per Pinar, comunque sono le vostre azioni, le vostre voci anche che danno forza a Pinar, e questo lo sappiamo. Tutte le azioni comunque che lei sa gli dà la voglia e la forza di continuare. Pinar è veramente una femminista, una donna molto bella, nel senso che è una bella persona, e cioè, bello che lei ha tutto il nostro amore, e mi sa tutto, e comunque noi siamo qua e continueremo, abbiamo l'abitudine di lottare anche su altre cose, ma anche su questo continueremo. Allora merci, grazie mille, ciao, grazie ciao mille a tutti. Ciao ciao, a bientôt, a bientôt. Ciao.